Chapitre 18. L'Auguste Marie et Joseph distribuent les dons des mages et demeurent en Bethléem jusqu'à la présentation de l'enfant Jésus dans le temple. Les mages étant partis après avoir célébré dans la grotte le grand mystère de l'adoration de l'enfant Jésus, il ne restait plus à nos cinq à la quitter, puisqu'ils n'avaient plus rien à attendre dans ce pauvre sanctuaire. La très prudente mère dit à Saint Joseph, « Mon Seigneur et mon époux, ces présents que les rois ont laissés à notre Dieu et à notre enfant ne doivent pas être inutiles. Il faut qu'ils servent à sa majesté et qu'ils soient bientôt employés selon son bon plaisir. Je ne mérite rien, et je ne dois pas me mêler des choses temporelles. Ainsi disposez de tout cela comme d'une chose qui vous appartient, à mon fils et à vous. » Le très fidèle époux répondit avec son humilité et sa douceur ordinaire, s'en remettant à notre divine dame du soin de la distribution. Mais l'auguste reine insista en disant, « Si c'est par humilité, mon Seigneur, que vous écartez ma demande. Ayez-y égard par charité pour les pauvres, qui réclament la part qui leur revient, puisqu'ils ont droit aux choses que leur Père Céleste a créées pour leur entretien. » Là-dessus, l'auguste Marie et Joseph convinrent d'en faire trois parts, une apportée au temple de Jérusalem, ce fut l'encens, la myrrhe et une partie de l'or, une autre à offrir au prêtre qui avait circoncis l'enfant, afin qu'il l'employât à son service et à celui de la synagogue ou maison de prière qui se trouvait à Bethléem, et la troisième pour les pauvres, et c'est ce qu'ils exécutèrent avec beaucoup de libéralité et de ferveur. Pour leur donner occasion de sortir de cette sainte grotte, le Tout-Puissant inspira à une pauvre, honnête et charitable femme, d'y aller quelquefois visiter notre reine. Parce que la maison où elle demeurait était située près des murs de la ville et assez proche de ce sacré lieu, cette dévote femme ayant ouï parler de l'arrivée des rois, et ignorant ce qu'ils étaient venus faire, alla le lendemain de leur départ trouver la très sainte Vierge, et lui demanda si elle savait que certains mages qu'on disait être rois, fussent venus de loin pour chercher le Messie. Notre divine princesse, qui connaissait son bon naturel, profita de la circonstance pour l'instruire de la foi en général, sans lui déclarer en particulier le mystère qui était renfermé en elle et en son très saint fils, qu'elle avait entre ses chastes bras, Tobie 12, 7. Elle lui donna aussi une partie de l'or destiné aux pauvres, afin qu'elle s'en servît dans ses besoins, de sorte que cette heureuse femme se trouva favorisée en toutes les manières, et de plus en plus affectionnée à sa maîtresse et bienfaitrice. Elle lui offrit sa maison, et comme elle était pauvre, elle fut aussi très propre pour loger les fondateurs de la sainte pauvreté. Elle la pressa fort de l'accepter, voyant combien mal à l'aise était dans la grotte l'auguste Marie, le bienheureux époux et le divin enfant. Notre reine ne rejeta point les propositions de sa voisine, mais elle lui répondit, avec beaucoup de témoignages de reconnaissance, qu'elle l'avertirait de sa résolution. Elle les communiqua bientôt à Saint Joseph, et après en avoir conféré, ils déterminèrent d'aller demeurer dans cette maison jusqu'à ce que le temps de la purification et de la présentation au temple fût arrivé. Ce qui les engagea le plus de prendre ce parti, ce fut la proximité du lieu, ce fut aussi l'affluence du peuple qui commençait à accourir, à cause du bruit que faisait la nouvelle de la visite des rois. La très pure Marie, Saint Joseph et l'enfant quittèrent enfin la sainte grotte, puisqu'il fallait s'y résoudre, mais ce ne fut pas sans émotion et sans de vifs regrets. Ils se rendirent à la maison de cette heureuse femme, qui les reçut avec une grande charité, et leur céda les meilleurs appartements de son habitation. Tous les anges les accompagnèrent en la même forme humaine sous laquelle ils les assistaient toujours. Cela arrivait aussi toutes les fois que la divine mère et son époux allaient visiter ce saint lieu, durant le séjour qu'ils firent dans cette fortune et maison. Et ils ne furent pas plus tôt sortis de la grotte, que Dieu y mit un ange avec une épée flamboyante à la porte pour la garder, comme il avait fait au paradis terrestre, Genèse 3, 24. Et cet ange l'a gardé et la garde encore aujourd'hui, de sorte qu'aucun animal n'y est entré depuis ce temps-là, et s'il n'en empêche point l'entrée aux ennemis de la foi, qui ont sous leur pouvoir ce sanctuaire et les autres lieux saints, c'est à cause des secrets jugements du Très-Haut, qui laisse agir les hommes pour les fins que sa sagesse et sa justice ordonnent. Outre que les princes chrétiens pourraient suppléer à ce miracle, s'ils étaient véritablement zélés pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ, et s'ils s'employaient avec ardeur au recouvrement des lieux saints, consacrés par le sang et par les traces du même Seigneur, ainsi que par celles de sa très sainte mère, et par les œuvres de notre rédemption. Et quand il ne leur serait pas possible de les recouvrer, il serait toujours inexcusable de ne pas veiller, avec toute la sollicitude de la foi, à la décence du culte dans ces lieux pleins de mystères vénérables. Celui qui à la fois transporte les plus grandes montagnes, Matthieu 17, 19, car tout est possible à celui qui croit, Marc 9, 22, et il m'a été révélé que la dévotion et la vénération de la Terre Sainte est un moyen des plus puissants et des plus efficaces pour établir et affermir les monarchies catholiques. Un prince vraiment chrétien ne saurait nier que s'il employait ses fonds à une si pieuse entreprise, il n'évita par là même d'autres dépenses excessives et superflues, et qu'il ne fût également agréable à Dieu et aux hommes. Car pour justifier celle qu'il ferait pour la Terre Sainte, il ne serait pas nécessaire de chercher bien loin des raisons. L'Auguste Marie s'étant retirée dans la maison qu'elle trouva proche de la grotte, y resta jusqu'au moment où, d'après la loi, elle devait se présenter purifiée au temple avec son très saint fils, et, pour l'accomplissement de ce mystère, la plus sainte des créatures prit intérieurement la résolution de s'y disposer le mieux possible par de fervents désirs d'aller offrir dans le temple son adorable enfant au Père éternel, de s'offrir elle-même avec lui, de l'imiter en toutes choses, et d'orner tellement son âme du mérite d'œuvres sublimes, qu'elle pût devenir une hostie digne d'être offerte au Très-Haut. Dans cette préparation, qui dura tout le temps qui s'écoula jusqu'à la purification, notre divine dame fit des actes si héroïques d'amour et de toutes les vertus, que ni les hommes ni les anges ne sauraient l'exprimer. Cela étant, qu'en pourra dire une pauvre et inutile fille pleine d'ignorance comme je suis? Les âmes chrétiennes obtiendront l'intelligence de ces mystères par la piété et la dévotion, et pourront s'y initier aussi par une respectueuse contemplation. Et si l'on veut commencer par considérer les faveurs les plus compréhensibles que reçut la Vierge Mère, on parviendra à connaître et à deviner les autres, qui dépassent la portée de l'humain langage. L'enfant Jésus parla à sa très douce mère d'une voix intelligible aussitôt qu'il fut né, quand il lui dit « Devenez semblable à moi, mon épouse, en m'imitant, comme je l'ai marqué au chapitre 10. » Et, bien qu'il lui parlât toujours d'une manière très distincte, c'était seulement à elle seule, car le saint époux Joseph ne lui entendit jamais prononcer un mot, jusqu'à ce que l'enfant croissant s'adressât directement à lui, un an après sa naissance. Notre divine dame ne découvrit point non plus cette faveur au saint, parce qu'elle savait qu'elle lui était personnelle, Les paroles de l'enfant Dieu étaient accompagnées d'une majesté digne de sa grandeur et d'une efficace qui marquait son pouvoir infini, comme étant destiné à la plus sainte, à la plus sage, à la plus prudente de toutes les simples créatures, et à celle qui était sa propre mère. Quelquefois il lui disait, « Ma colombe, ma bien-aimée, ma très chère mère, Cantique 2, 10. Le fils et la mère passaient les jours et les nuits dans ces entretiens délicieux que les cantiques renferment, et en plusieurs autres beaucoup plus tendres, de sorte que notre divine princesse reçut tant de faveurs et de caresses, et ouït des paroles si douces, qu'elles ont surpassé tout ce qui se trouve dans les mêmes cantiques, et tout ce que les âmes justes et saintes ont jamais dit ou pourront dire jusqu'à la fin du monde. Parmi ces aimables mystères, le très doux enfant répétait souvent ces paroles, « Ma mère et ma colombe, devenez semblables à moi », et comme c'étaient des paroles de vie et d'une vertu infinie, comprises par l'Auguste Marie au moyen de la science divine qu'elle avait de toutes les opérations intérieures de l'âme de son très saint fils. Il n'est pas possible de décrire ni même de concevoir les effets qu'elle produisait dans le plus intime du très chaste et très ardent cœur de la mère d'un fils qui était homme et Dieu. Entre les privilèges les plus excellents et les bienfaits les plus rares que reçut l'Auguste Marie, le premier et le fondement de tous les autres, ce fut d'être la mère de Dieu. Le second, d'avoir été conçu sans péché. Le troisième, de jouir maintes fois, dans le cours de sa vie, de la vision béatifique. Au quatrième rang vient la faveur permanente qui lui permettait de discerner nettement l'intérieur de l'âme très sainte de son fils et toutes ses opérations. Afin de les imiter, il était devant elle comme un très pur et très brillant miroir dans lequel elle ne cessait de se regarder, pour s'orner des précieux joyaux de cette âme très sainte en les reproduisant en elle-même. Elle la voyait unie au Verbe divin, et reconnaissant avec une profonde humilité son humaine infériorité. Elle percevait fort distinctement les actions de grâce et les louanges que cette même âme rendait à Dieu de l'avoir créée et tirée du néant, comme toutes les autres âmes, de lui avoir fait des dons au-dessus de toutes en tant que créature, et surtout d'avoir élevé sa nature humaine jusqu'à l'union inséparable avec la divinité. Elle observait les prières et les supplices continuelles que cette âme bienheureuse adressait au Père éternel pour les hommes, et comment en toutes les autres choses elle commençait à travailler à leur rédemption et à leur enseignement, comme l'unique réparateur et le seul maître de la vie éternelle. La très pure mère se mettait à imiter toutes ces œuvres de l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de choses à dire sur ce grand mystère dans la suite de cette histoire, car dès l'incarnation et dès la naissance de son fils, elle eut toujours ce modèle présent et s'en servit pour régler toutes ses actions, de sorte qu'elle formait, comme une diligente abeille, le très doux rayon de miel des délices du Verbe incarné. Ce même Seigneur, qui vint du ciel pour être notre Rédempteur et notre Maître, voulut que sa très sainte mère, dont il reçut le corps humain, participât d'une manière très relevée et très particulière au fruit de la rédemption générale, et qu'elle fût l'unique et insigne disciple en laquelle sa doctrine dut être gravée tellement au vif, qu'elle la rendit en tout aussi semblable à lui qu'une pure créature le pouvait devenir. On doit mesurer sur toutes ses faveurs et sur ses fins admirables du Verbe incarné la grandeur des œuvres de sa très sainte mère, aussi bien que les délices qu'elle prenait avec lui lorsqu'elle l'avait entre ses bras et qu'elle l'appuyait sur son très chaste sein, qui était la couche fleurie de ce véritable époux de nos âmes, Cantique 1, 16. Pendant les jours que notre auguste reine passa à Bethléem jusqu'à la purification, Elle fut visitée de quelques personnes qui étaient presque toutes des plus pauvres. Les unes allaient chez elle pour les aumônes qu'elles en recevaient, les autres pour avoir appris l'arrivée des mages et leur entrée dans la grotte. Mais toutes s'y entretenaient de cette nouveauté de la venue du Messie, parce qu'on disait alors publiquement parmi les Juifs, ce qui n'était point sans une disposition particulière de la divine providence, que le temps de sa naissance s'approchait, et c'était le sujet le plus ordinaire de leur entretien. De sorte que la très prudente mère eut dans ses rencontres diverses occasions de pratiquer de grandes choses, non seulement parce qu'elle y gardait son secret et qu'elle y repassait dans son esprit, avec une sagesse admirable, tout ce qu'elle entendait et voyait, Luc 2, 19, mais aussi parce qu'elle s'y occupait à conduire les âmes à la connaissance de Dieu, à les confirmer en la foi, à les former à la pratique des vertus, à les éclairer sur les mystères du Messie, qu'elles attendaient, et à les tirer des grandes ignorances où elles étaient, comme personne du vulgaire très peu versé dans les choses divines. Ces bonnes gens tenaient quelquefois des propos si fabuleux et si puérils sur ces matières de religion, que le saint et naïf époux souriait, et admirait en même temps les réponses remplies d'efficace de notre grande dame, et la sagesse divine avec laquelle elle les instruisait. Il était charmé de voir avec quelle patience elle les supportait, et avec combien d'humilité, de majesté et de douceur elle les amenait à la vérité et à la connaissance de la lumière, les laissant toutes satisfaites, consolées, et au courant de ce qu'il leur convenait de savoir, parce qu'elle avait des paroles de vie éternelle, Jean 6, 69, qui pénétraient le plus intime de leur cœur, et qui les animaient d'une vive ferveur. Instruction de la Reine du Ciel Marie, notre Sainte Maîtresse. Ma fille, à la vue claire de la lumière divine, je connus mieux que toutes les créatures ensemble le bas prix qu'ont aux yeux du Très-Haut les dons et les richesses de la terre. C'est pour cela qu'il me fut pénible et gênant, dans ma sainte liberté, de me trouver chargé des trésors offerts par les rois à mon Très-Saint-Fils. Mais comme l'humilité et l'obéissance devaient paraître dans toutes mes actions, je ne voulus ni me les approprier ni les distribuer que par la volonté de mon époux Joseph. Dans cette résignation, je me regardais comme sa servante, et comme n'ayant aucune prétention sur ses biens temporels, car c'est une chose très blâmable et très dangereuse pour vous autres, faibles créatures, de vous approprier quoi que ce soit des biens terrestres, soit richesse, soit honneur, puisque cela ne peut provenir que d'une cupidité sordide, d'une ambition déréglée et d'une vaine ostentation. J'ai voulu, ma très chère fille, vous dire tout cela, afin que vous soyez informés de toutes choses, et que vous ne receviez ni les dons ni les honneurs humains comme s'ils vous appartenaient, et encore moins lorsque ce sont des personnes distinguées par leur pouvoir et par leurs qualités qui vous les font. Conservez votre liberté intérieure, et gardez-vous de faire parade de ce qui ne vaut rien, et qui ne peut vous justifier devant Dieu. Si l'on vous donne quelque chose, ne dites jamais, « On m'a donné », où je viens de recevoir tel présent, mais dites que le Seigneur l'a envoyé pour la communauté, et faites qu'elle prie sa majesté pour celui qui a servi d'instrument à sa miséricorde. Vous le pouvez même nommer, afin qu'on le prie en particulier, et qu'on ne frustre point la personne qui fait l'aumône, de son intention. Vous ne devez pas non plus la recevoir par vous-même, car cela trahirait une espèce de cupidité, mais par celles qui sont destinées à cet office. Et si vous êtes obligé, à cause de la charge de supérieur que vous exercez, de remettre l'aumône, après l'avoir reçue dans le monastère, à la religieuse qui doit en faire profiter la communauté, que ce soit avec des marques d'indifférence et des réflexions qui prouvent que vous n'y êtes pas attaché. Cela ne vous dispensera point, bien entendu, de témoigner votre gratitude au Très-Haut et à l'auteur du bienfait, tout en vous en reconnaissant indigne. Il faut aussi que vous fassiez les remerciements convenables, en qualité de supérieur, quand on apportera quelque chose aux autres religieuses, en veillant avec soin à ce qu'aussitôt tous les membres de la communauté y aient part, sans jamais rien retenir pour vous. Ne regardez point avec curiosité ce qui arrive au monastère, afin que les sens n'y prennent aucune vaine satisfaction, et ne soient point portés à souhaiter de tels présents, car la nature, fragile et remplie de passion, tombe à chaque pas en une foule de fautes auxquelles on fait fort peu d'attention. Il ne faut pas se fier à cette nature corrompue, parce qu'elle veut toujours plus qu'elle n'a, sans dire jamais c'est assez, et que plus elle reçoit plus elle convoite. Mais ce en quoi je vous recommande d'être le plus vigilante, c'est dans le commerce intime et fréquent que vous devez avoir avec le Seigneur, par un amour, une louange et un respect continuel. C'est ici, ma fille, que je veux que vous travailliez de toutes vos forces, et que vous appliquiez sans relâche vos puissances et vos sens avec une attention incessante. Sans cela, il s'ensuivra nécessairement que la partie inférieure qui appesantit l'âme, la battra, l'éloignera du bon chemin, et la précipitera en lui faisant perdre de vue le souverain bien. Sagesse, 9, 15, ce commerce amoureux du Seigneur est si délicat, qu'il suffit pour le perdre de prêter un seul instant l'oreille au compte de l'ennemi. Cantique 5, 6, aussi fait-il tous ses efforts pour s'attirer l'attention des mortels, sachant très bien que l'âme qui l'écoute sera punie par l'absence de l'objet de son amour. Cantique 1, 7, 5, 7, celle qui a ignoré la beauté de cet objet par sa négligence, suit les traces de ses lâchetés, privée qu'elle est des délices divines, et lorsqu'elle expérimente malgré elle la douleur et l'amertume qui résultent de cette perte, elle veut chercher et recouvrer ses premières délices, mais elle ne les trouve que rarement. Cantique 3, 1 et 2, de sorte que le démon, qui l'a trompée, lui offre d'autres plaisirs très vils et forts au-dessous de ceux qu'elle avait accoutumé de goûter intérieurement, et c'est ce qui la jette dans la tristesse, dans le trouble, dans l'abattement, dans la tiédeur, dans le dégoût, et qui la remplit de confusion et l'environne de funestes dangers. Vous avez, ma très chère fille, quelque expérience de cette vérité, par la négligence que vous avez apportée à reconnaître les bienfaits du Seigneur. Il est temps que vous soyez prudente dans votre simplicité, et constante à conserver le feu du sanctuaire, Lévitique 6, 12, sans perdre jamais de vue le même objet auquel j'ai été toujours attentive avec une continuelle application de toutes les forces et de toutes les puissances de mon âme. Et quoi qu'il y ait une grande distance de vous, qui êtes un chétif vermisseau, à ce que je vous propose d'imiter en moi, et que vous ne puissiez pas jouir du véritable bien aussi immédiatement que j'en jouissais, ni opérer avec une perfection semblable à la mienne, néanmoins, puisque je vous enseigne et que je vous découvre ce que je faisais pour imiter mon très saint fils, vous pouvez, selon vos forces, m'imiter, moi, en pensant que vous le regardez comme dans un miroir réflecteur, car je le regardais par celui de sa très sainte humanité, et vous le regardez par celui de mon âme et de ma personne, que si le Tout-Puissant appelle toutes les âmes à cette haute perfection, si elles veulent s'y élever, Matthieu 11, 28, considérez ce que vous devez faire pour l'acquérir. Puisque la droite du Très-Haut se montre si libérale et si puissante à votre égard pour vous attirer après lui, Cantique 1, 3.